Conte de fées en français. Les pantoufles étoilées. Il était une fois une reine du nom de Margaret qui était mauvaise et odieuse. Elle était méchante et traitait ses sujets royaux de façon misérable. Ce n'est pas possible! Cette soupe est trop froide! Garde, emmenez-le au donjon immédiatement! Mais votre majesté, je viens juste de la sortir! Le pauvre cuisinier fut conduit hors de la salle à manger sans plus tarder. Le plus royal de ses sujets était Octavius. Il était mauvais et odieux, tout comme sa reine. Les gens de son royaume ne se plaignaient pas de la façon dont elle les traitait. Ils vivaient leur vie, faisaient leur travail et mangeaient des croûtes de pain. Un matin, deux filles qui marchaient vers la fontaine virent une belle paire de pantoufles posées au milieu de la place centrale. Elles étaient piquetées d'étoiles et brillaient comme aucune autre paire de pantoufles n'avait jamais brillé. « Oh mon Dieu, ces pantoufles sont si belles !»« Elles sont splendides !» On peut même voir les constellations et les galaxies tourner avec leurs étoiles. Je me demande bien d'où viennent ces pantoufles. C'est sûrement un cadeau des fées des étoiles. Les filles se dépêchèrent d'aller raconter à leurs amis l'histoire